sais pas faire. Aujourd'hui je crève la faim, depuis je mange chez ma mère. Quel retour en arrière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait ce plan foireux? Changer mon eau en vin, c'est vraiment trop galère. Depuis je suis à jeun, pas moyen de boire de la bière. Je ne peux plus prendre au sérieux, pourquoi t'ai-je écouté, mon Dieu? Je ne crois plus en Dieu, depuis je fais ce que je veux. Je ne crois plus en toi, depuis je suis ma propre foi. Me lever chaque matin, ça m'emmerde tellement. Depuis je prends le train pour bosser à plein temps. Quelle saloperie l'autonomie, pourquoi faut-il gagner sa vie? Au bureau chaque matin, j'en ai marre de faire semblant. Je travaille pour des pingouins, je souris comme un gland. Saloperie de hiérarchie, pourquoi les a-t-on mis ici? Je ne crois plus en rien, ni Dieu ni maître c'est bien. Je ne crois plus qu'en moi, depuis je vis selon ma loi. Glander toute la journée, je n'ai rien connu de mieux. Personne pour me faire chier, je paraisse dans mon vieux. Mes factures à payer, je n'y pense même plus. Les menaces des huissiers, ils se le foutent au cul. Je ne crois plus en moi, assis au métro Marx dors moi. Je ne crois plus en rien, et personne pour me tendre la main. Je ne crois plus en moi, assis au métro Marx dors moi. Je ne crois plus en rien, et personne pour me tendre la main.